Donc aux côtés de Patrice Bénard qui est ingénieur d'études donc à l'université Paris 8, Jean-Louis Boissier et Jean-Paul Fargier. Donc Jean-Louis Boissier et Jean-Louis Boissier est professeur émérite en esthétique et art contemporain à l'université de Paris 8. Tu as enseigné à la fois en art plastique et en cinéma entre 1969 et 1974. Tu es théoricien et praticien des nouvelles formes de l'image, commissaire d'exposition également. Et Jean-Paul Fargier, réalisateur, critique, ancien enseignant-chercheur en cinéma à l'université Paris 8, également dans les années 70, membre fondateur du groupe vidéo Les Sans Fleurs avec Daniel Yegui. Et avec vous, j'aimerais bien qu'on essaie maintenant de comprendre quelle était la place réservée à la vidéo spécifiquement au sein du département cinéma et du coup aussi quand même par rapport évidemment aux arts plastiques, puisque là on a vu que finalement les moyens vidéo étaient utilisés par tous les départements. Parfois même certains départements avaient leur propre matériel et faisaient quand même appel à vous au niveau technique régulièrement. Qu'est-ce qu'il en était finalement au sein du département cinéma? Le département cinéma mettait en avant l'enseignement de la pratique cinématographique, la rupture par rapport, il n'y avait même pas d'enseignement du cinéma avant, un petit peu quoi, des cours peut-être de cinéma et littérature et tout ça, mais on voulait être une école de théorie, de pratique, de théorie, d'esthétique, de réflexion sur l'histoire du cinéma et de pratique, et tout le monde qui était là, la plupart c'était des praticiens, donc voilà, nous... Moi, j'ai raconté l'année dernière comment j'avais commencé la vidéo avec Daniel. On a acheté du matériel. Mais au début, je crois, les premières années, j'ai enseigné Ziga Vertov. Voilà. On est rentré avec le blanc. Après, moi, je suis rentré comme étudiant pour avoir la sécu. Et après... Ah ouais, t'as trouvé des trucs. Et après, j'ai étudié pendant un semestre Méditerranée, qui était mon film fétiche, comme ça, depuis 2-3 ans, depuis que je l'avais vu à la Cinémathèque. Et puis j'ai fait un exposé, et à la fin, j'ai fait venir Solers pendant cet exposé. Il a lui aussi parlé avec les étudiants. Et à la fin, Ropars m'a dit, est-ce que vous voulez faire un cours au deuxième semestre? Donc j'ai dit oui. Mais ça serait bien qu'on le fasse, parce que les étudiants aussi demandaient que Cinétique soit prof. Cinétique, c'était Leblanc et moi. Leblanc n'était pas inscrit comme étudiant, mais il apparaissait comme ça des fois dans les cours. Et je me rappelle Girard, qui était une sorte de leader, avant qu'il pète les plombs, de leader étudiant politique, et il disait, mais... C'est vous qui devez être prof, puisque vous êtes marxiste-léniniste. Les autres profs ne sont pas marxistes-léninistes, ils ne doivent pas être profs. Et ce raisonnement a fini par aboutir, pas par Ropars, elle m'a demandé à être enseignant, parce que j'avais fait un exposé sur Méditerranée. Voilà. Et puis, ça, c'était en... Je sais pas, on a fait plusieurs cours avec Leblanc... Et on enseignait Ziga Vertov, ouais, voilà. Et on était allé copier les films de Ziga Vertov que Hélène a retrouvé, peut-être. Avec Julia. On a retrouvé ça dans le fond Vincennes, dans voilà. Le fond audiovisuel du fond Vincennes, les archives vidéo, en fait, du fond Vincennes de Paris 8, qui n'étaient pas inventoriés, qui ne sont pas inventoriés, mais que Julia a inventorié, justement. 200 cassettes, surtout des humatiques, et quelques bandes. Et quand on est tombé dessus, moi, j'étais assez surprise, parce qu'effectivement, c'était... C'est des télécinémas de films de Ziga Vertov. Il y a quand même des Kinopravda. Donc ça, c'est super rare, en fait. Hein? C'est le télécinéma de la fin. Non, alors, où ça a été fait? Ça a été fait à la Cinémathèque Royale de Belgique. Parce que Ledoux, le directeur, était quelqu'un de très, très gentil, très accueillant. On savait qu'il avait accueilli Truffaut quand il préparait son Truffaut Hitchcock. Et on s'était dit, il va peut-être nous accueillir aussi. Alors on lui a demandé si on pouvait venir voir des films d'Hitchcock, de Vertov. Et on est arrivé avec une caméra, un pied. Alors je ne sais pas si c'était celle de la fac, parce qu'on l'enregistrait sur le gris. Le CV de 1100. Mais oui, ça c'est des trucs de 1100. C'est des 2100. C'est des 2100. Alors est-ce que c'était celui de Jacquier, Godard, etc., qu'on utilisait aussi, ce gros magnétoscope? Moi j'en ai jamais eu, je pense. Si, on en a eu. En cinéma? Non, mais parce que on utilisait beaucoup notre matériel des sans-fleurs pour aussi faire des trucs. Je l'ai amené à la fac pour diffuser des films, des vidéos, des films. Voilà. Donc ça vient de la cinémathèque. Je ne savais pas que ça. C'est filmé sur écran. Alors. Et c'est filmé, oui, on a filmé sur l'écran. On n'avait pas d'autre solution d'apporter Vertov à la. Oui. Je ne sais pas ce que ça va donner le résultat. Là. Si tu les restaures, ce n'est pas la peine de les restaurer. Ah, mais les Kinopravda, ça peut valoir la peine. Hein, comme mais les Kinopravda, on les trouve aussi en bonus de films de Vertov. Maintenant, on trouve en DVD, Enthousiasme. Alors, Enthousiasme, c'était notre cheval de bataille avec le blanc, là, l'analyse d'Enthousiasme et de la 11e année. Trois chants sur Lénine. Voilà. Donc, au début, on enseignait ça. Puis après, moi, j'ai rompu avec Cinétique. Voilà. Donc, tu précises les dates. 74. C'était en 74, je pense. Ouais. Dès 74, d'accord. Et j'ai rompu aussi, parce que j'avais commencé à faire des films avec Daniel sur des grèves. Je pense que Lips, c'est un peu avant. Lips, Cerisé, c'est avant. J'étais très fier de passer à la pratique. On avait aussi fait avec Leblanc le film « Quand on aime la vie, on va au cinéma », qui est un film théorique, un peu dogmatique sur ce que c'est un film révolutionnaire. Bon. Et puis, on avait, avec Daniel, dans Les Sans-Fleurs et d'autres amis, on avait fait quelques films de lutte, comme ça. Voilà. Quand Leblanc les a vus, il a dit « Mais c'est du spontanéisme !» Donc on était condamnés, on était finis. Et donc j'ai dit, il dit, mais vous faites parler les masses, mais vous ne faites pas parler les leaders des masses. J'ai dit, mais les leaders, c'est la CGT, et nous on veut faire parler les vrais leaders qui sortent de la base. De la base, voilà. Donc on a eu des discussions, nos films étaient exclus de la diffusion de Cinétique. Il y a eu d'autres discussions sur le Chili, etc. Donc j'ai fini par partir et par faire que des films au sein du groupe spontanéiste Les Sans-Fleurs. On avait pris Les Sans-Fleurs, je l'ai raconté souvent aussi, en croyant que c'était très très bien, parce qu'on était maoïste, donc Les Sans-Fleurs, c'est que sans fleurs s'épanouissent, que sans œuvres prolifèrent, que sans école rivalise. Mais on a appris plus tard que c'était un piège tendu aux spontanéistes et aux individualistes par Mao Tse-Tung pour que les artistes qui n'étaient pas vraiment dans la ligne du parti se démasquent. 40 millions de morts. Se démasquent. 40 millions de morts. Oui, mais pas que tout pour les sans-fleurs. Oui, les sans-fleurs, enfin, c'est oui. dans... Enfin, dans c'est ont... les sans-fleurs, c'est, les pré, c'est avant 50, le... Oui, mais juste le mouvement qui suit après... Ça, il commence et continue. Voilà. C'est très grave. Hein. Il faut pas. Oui. Faut pas en rigoler. Non, c'est ce que je veux dire. Faut pas plaisanter avec ça. Oui. Mais à notre niveau, c'est comique. Hein. Bon. Oui. Ça dit notre peu d'engagement maoïste sérieux, quoi. Tu vois, on était. Ouais. Ouais, bon, ça. Une autre discussion. Mais la question politique, effectivement, elle est centrale à Vincennes et elle est centrale au sein du département cinéma. Enfin, le département cinéma lui-même, il n'est créé que en 71, c'est ça, je pense. Ah non. Ben, c'est la section cinéma. C'est la section cinéma du département art au début. Non, mais ça, c'est autre chose. Ah ben. Alors, expliquez-nous les débuts, parce que... Tu as plus de mémoire, il me semble, sur le... Non, ça s'est restructuré, en fait. Ça s'est restructuré. À la limite, c'est pas forcément le plus important, ça. Mais... Non, c'est pas très important. Il y a un enseignement du cinéma dès le début. Oui, c'est ça, mais c'est une section cinéma au sein du département. Oui, mais ça, c'est de la structuration de l'université, c'est pas un problème. Il n'y avait pas de département. Oui, c'est ça, il n'y avait pas de département. Il n'y avait aucun département, donc il n'y avait pas de département de cinéma, puisqu'il n'y avait aucun département. Nous, on a retrouvé des archives où c'est écrit en gros 11 janvier 1969, département art de Vincennes. Oui, c'est ça. Voilà, et dans art, il y avait tout. Et dans art, il y avait quatre sections autonomes, semble-t-il, voilà. Dont la section cinéma. Et ensuite, il y aurait eu un département. Il y a un département cinéma qui s'est créé et inséré au sein du UFR. Il y avait quelque chose à dire, c'est qu'il n'y avait pas avant Vincennes. Il n'y avait pas d'enseignement du cinéma à l'université. Oui, bien sûr. Nulle part, bien sûr. Ça paraît fondamental de dire ça. Sinon, on ne comprend rien. Pas seulement au cinéma, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà, peut-être recontextualiser votre arrivée aussi, Jean-Louis Boissier, peut-être. Ton arrivée aussi au sein de Vincennes. Et effectivement, ce que représente cette université politiquement et par rapport aux arts et à l'enseignement, absolument, des arts.